Chapitre 7e. Dans ce temps-là, Bologne était, pendant le carême, le rendez-vous des comédiens. Scaramouche s'y trouva donc en nombreuses compagnies de camarades. Comme il jouissait déjà d'une grande réputation et que cette réputation était méritée, il se vit bientôt recherché de tous ceux qui avaient du talent. Quant aux autres, ils se vengèrent de sa supériorité en le critiquant et en le dénigrant. L'envie a été et sera toujours la consolation des nullités. Le théâtre étant fermé, Scaramouche n'eut d'abord d'autre distraction que de visiter les curiosités de la ville, qui ne manquait du reste ni d'églises remarquables, ni de belles peintures. Mais bientôt il chercha dans la foule au milieu de laquelle il circulait chaque jour d'autres sujets d'admiration. Il était trop fin connaisseur pour ne pas rendre justice à la beauté des Bolognaises en général, mais l'une d'elles lui toucha plus particulièrement le cœur. Scaramouche n'eut point affaire à une ingrate. Des deux parts, on s'aima, on s'en fit l'aveu, et l'on mit son bonheur à se répéter cet aveu, tous les soirs, dans une promenade au clair de lune. La dame y faisait bien quelque façon. Se promener dans les rues à des heures indues, malgré les rigoureuses défenses de la police, à quel danger ne s'exposait-elle pas ? Scaramouche, pour toute réponse, lui montrait son épée, et les promenades n'en allaient pas moins leur train. Un soir, pourtant, les deux amoureux furent surpris par une douzaine de sbires que le grand prévôt commandait en personne. Scaramouche ne tira point son épée, mais il tira de sa bourse une dizaine de pistoles qui lui épargnèrent le désagrément d'aller coucher en prison avec sa maîtresse. Ce fut pour lui un grand crève-cœur, car il était fort attaché à son argent. Aussi jura-t-il de se venger du grand prévôt. L'occasion ne se fit pas attendre. Un jour de grande fête, notre prévôt, à la tête de nos archers, se rendit à la messe solennelle qu'on célébrait à Notre-Dame de la Mort. Scaramouche le suivit, armé d'une paire de ciseaux, s'approcha de lui au moment où il était serré par la foule, coupa avec une dextérité d'escamoteur les boutons de vermeil qui décoraient son manteau d'écarlate et disparut de l'église sans avoir été remarqué de personne. Le grand prévôt n'avait rien senti. Ce fut au logis seulement qu'il s'aperçut de l'absence de ses boutons. Au lieu de s'extasier sur le sang-froid et sur l'adresse du voleur, il eut le mauvais goût d'entrer dans une violente colère. Faute d'indications précises, il fit arrêter tous les coupeurs de bourse de Bologne. Les uns furent fouettés, les autres envoyés aux galères. Tous, pour un méfait ou pour un autre, avaient certainement mérité leur sort et peut-être pire. Mais le grand prévôt n'eut jamais songé à se signaler par ce grand acte de justice si on ne lui avait pas volé ses boutons. Cependant, Scaramouche ne se croyait pas suffisamment vengé. Il avait les boutons, il lui fallait le manteau. Ayant appris un matin que le grand prévôt, parti de bonne heure pour une expédition, ne devait pas rentrer chez lui de la journée, il alla se présenter hardiment dans la maison de cet officier et demanda à parler à la maîtresse du logis. Les boutons dans une main, il s'annonça comme tailleur en brandissant de l'autre une paire de grands ciseaux, un signe de la profession. Il venait, disait-il, par ordre de monsieur, prendre le manteau pour y recoudre les boutons qu'on venait enfin de retrouver. La bonne dame était à 100 lieues de se douter du stratagème. Elle ne balança pas un instant à livrer le manteau. Scaramouche, triomphant, n'eut rien de plus pressé que d'aller raconter cette prouesse à cette Dulcinée. Ils en rirent tous deux de bon cœur. Mais le premier accès de gaieté calmé, Scaramouche fit cette réflexion. Que la discrétion n'est point la vertu favorite des filles d'Ève, et qu'il venait de confier à l'une d'elles un secret qui pouvait le conduire à faire sur mer un voyage de peu d'agrément. Il crut se rappeler aussi que, tranchant du grand seigneur, en parole du moins, il avait prodigué à la belle de magnifiques promesses qui étaient encore à réaliser. Il en conclut que Bologne ne lui offrait plus aucune sécurité et que la prudence lui conseillait d'en sortir au plus vite. C'est ce qu'il fit dès le même soir.